19. Imla al-faraghat bi kalimat munasiba. طيب الجملة الأولى عندك يصلي المسلمون مسلمون في المساجد. طيب ثانيا يقول الإمام عند الركوع التكبير لا التسبيح لا سي عندنا سي pendant en fait. سبحان ربي العظيم التسبيح صحيح. ثالثا صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم. في أي مكان pour moi il y a une phrase des autres. Ah bon? La salade en groupe est meilleure que la salade de l'un d'entre vous. C'est complet? Tu peux être en groupe sans salade? Aïe moi. Ou wahdahu plutôt, parce que ça peut être aussi une jamaa à la maison. Donc le mieux c'est de mettre wahdahu. Il faut être à Hadikoum, Wahdahou. Tout seul, en fait. Arabian. Al-Mu'adhinu, Arabian. Al-Mu'adhinu, Yunadi, les Sorains. Nam. Khamisan. Yalfaou, l'imam, Khobbat, Jama'a. Nam. المصلون يقفون خلف الإمام. سابعا انتهى عبد الله استنشاق الوضوء. لا وضوء ماذا كتبت انت؟ جي با اكري سولا بس اذا أداء الصلاة أداء الوضوء. لا انتهى عبد الله من الوضوء. كمل تكمل الوضوء. مين؟ نعم. ده فرض. بدي أوصي أداء كما تجي عبد الرحمن. انتهى أداء الوضوء. ثامنا. استعد محمد استعد محمد لأداء الصلاة لأداء لأداء الصلاة. تاسعا ذهب محمد طيب الآن سندخل في الدرس 26 استعدوا لنوت طويل شوية. طبعا هيا نذهب لصلاة الجمعة. علي نصرون على صلاة الجمعة. كلمات جديدة اغتسل يغتسل هسي في الغسل سلافي سلافي تيبب يتيبب سي سي بارفيمي مي دو تيب بارفان تيب كوم ديال سي بارفان القرآن الكريم معروف وكلام الله صف أغو خطبة سيزابل سيرمون ديسكور سيرمون تعلم يتعلم

كما سيأتي الآن. خامسا استمعوا وردد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. لوجيل سي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. هذا لوجيل لا قاز. كان ولا عجوتي. Pour changer le temps. Donc là, à la base, c'est le prophète Mohammed sallam aime le parfum. Et on met kana, ça veut dire aimer le parfum. On va le traduire en un parfum, une chose qui a l'habitude de faire, qui est accoutumée. Une question, on aurait pu mettre. Tu vois, parce que moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est le placement, tu vois, des mots. Kana. Est-ce qu'on aurait pu dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana, tu peux le dire comme ça. Tu peux le dire comme ça aussi. Le sens sera le même. Et tib, ça parle sur le médecine aussi. C'est tib. Médecine. Tant et ben, chadda, il n'y a pas de lien. Fanyan, kana Mahmoudun yakara al-kitab. Mahmoud lisait le livre. À la base, c'est Mahmoud yakara al-kitab. À la base, on a un terrain à khabar. Et kana, il rentre dessus. Tayyib, Mahmoud là, c'est quoi son yarabi, Daoud? Comment on l'appelle? Ça, c'est comment on l'appelle? Ism Kana. Naam. Et le Khabar, on l'appelle Khabar Kana. Et le Khabar Kana, il est comme le Khabar Mubtada. Ça peut être un Ism tout seul, ça peut être un Jar Majour, ça peut être un Zor, ça peut être une Jumma Fi'liya ou Jumma Ismiya. C'est la même chose. Donc on l'appelle Khabar Kana. Et là, dans cet exemple, Khabar Kana, Jumma Fi'liya. C'est une verbe, une phrase verbale. Et le cas, quand ça commence par Kana, c'est une phrase verbale? Pas forcément. Kana Mahmoudun. Qa'iman. Mahmoud était debout. Là, c'est pas une phrase verbale. Qa'iman, c'est un ism mufrad là. La phrase en elle-même. Lui parle du khabar, je pense, non? Non, je parle de la phrase. Ah ouais, si Kana est en dehors, c'est dans les jumelles chaliyah. Non. Fadis al-Kana Yunus est un awalu al-Jubun. Ou al-Bayd. Donc Yunus mangeait du fromage et de l'œuf. Et l'œuf plutôt. Le fromage et l'œuf. Jubn, c'est le fromage, al-Bayd, c'est l'œuf. Rabi'an, Kana al-Tiflu yuhibbu al-Halib. L'enfant ou le petit aimait le lait. Khamisan, Kana al-Hafilatu tusri'u fi al-Tariq. Vous voyez, le bus allait vite sur la route. Et là, on a mis ta tanis, parce que hafila, les moins neuf. On est même avec le verbe. Maintenant, comme on a dit, le isme dans le fort qui vient après kana, c'est pas un fa'il. C'est isme kana, il s'appelle. Attention à ça. Sadisan, kana salimun yaskunu fil funduq. Donc Salim habitait dans l'hôtel. Sabi'an, kana talibu yubakkiru fil hudur. Donc l'étudiant, vous voyez, arrivait tôt en fait. C'est en fait, il faisait tôt dans l'arrivée, mais nous on va dire en français arrivait tôt. C'est le mazan de hadar yahduru, se présenter, être présent. Faminan, kana tabibu yafhasu al marid. Donc le médecin examinait le malade, auscultait le malade. Tasian, kana al muazzinu yunadi lil jumu'ah. Donc le muazzin faisait l'appel pour jumu'ah. Ashiran, kana mahmoud yusalli fi hujratihi. Ya mahmoud ala hidik. À part s'il était malade et qu'il n'excuse. Mahmoud faisait la salade dans sa chambre. Ou alors, c'est une nafila. Salade nafila, un ben arsène. Mais vu le texte qu'il y avait avant, je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'au début, dans le texte d'avant, il ne parle pas de nafila. Il parle de salat. Donc là, quand même. Ah, c'est un jumoir, là, c'est une jumoir. Non, mais. Quand on a pas de balle chez lui, il écoute. Je suis des mains chez moi. حالي عشر كان خالدون يؤذي أفوان ليس تؤذي يعني يؤذي كذل سي faire du mal et يؤدي سي le verbe de أدى يؤدي on a pris le mot أدى qui veut dire quoi أدى accomplissement accomplissement c'est l'origine de ce verbe là كان خالدون يؤدي تحية المسجد donc خالد faisait les deux rakats en fait de تحية المسجد le salut de la mosquée. Voyez, ça a dit ça, là en fait, il va falloir appliquer ce qu'on vient de lire là. Adda, Hamza, Del Bouchadda, Bouchadda, et Alif Maksoura.